Thank you. I'm a woman. GG, Bangolo Bilili, Jean Semenga. Santo Che, Ale.

soit avec vous. Yeah. Ya mukwale mabi. Yeah. Oh,

Debra, Horus Mabili. Décalement, coupé, décalement, Mucho, mucho. Kinsana.